Échappé à la vigilance de Bendel, je me jetai dans la campagne et parcourus au hasard les bruyères et les bois. Une sueur froide découlait de mon front, de sourds gémissements sortaient du fond de ma poitrine. Un affreux délire m'agitait. J'ignore combien de temps pouvait s'être écoulé lorsque, sur la pente d'une colline, éclairée des rayons du soleil, je me sentis arrêté par la basque de mon habit. Je me retournai. C'était l'homme en habit gris qui paraissait m'avoir poursuivi à perte d'haleine. Il prit sur le champ la parole. Je vous avais annoncé mon retour pour aujourd'hui, mais vous n'avez pas eu la patience de m'attendre. C'est égal, rien n'est encore perdu. Vous suivrez mon conseil. Vous rachèterez votre ombre que je vous rapporte, et retournerez sur le champ sur vos pas. Vous serez le bienvenu dans le jardin d'inspecteur, et tout ce qui s'est passé n'aura été qu'une espièglerie. Quant à Rascal qui vous a trahi et qui vous supplante auprès de votre maîtresse, j'en fais mon affaire. Le scélérat est mûr. Je crus rêver. Annoncer son retour pour aujourd'hui. J'y réfléchis de nouveau, il avait raison. Je m'étais constamment trompé d'un jour dans mon calcul. Ma main cherchait la bourse dans mon sein. L'homme en habit gris devina ma pensée, et reculant de deux pas, « Non, monsieur le comte, me dit-il. Elle est dans de trop bonnes mains. Conservez-la. » Je l'interrogeai d'un regard fixe et étonné, et poursuivit, « Je ne demande qu'une légère marque de votre souvenir. Vous voudrez bien me signer ce billet? » Le parchemin contenait ces mots. Je soussignai, legs au porteur du présent, mon âme, après sa séparation naturelle de mon corps. Muet d'étonnement, je considérai tour à tour le billet et l'inconnu. Il avait cependant recueilli sur ma main, avec le bec d'une plume nouvellement taillée, une goutte de sang qui coulait des blessures que les épines m'avaient faites, et il me la présentait. Qui donc êtes-vous? Lui dis-je à la fin. Que vous importe? Me répondit-il. Et d'ailleurs, ne le voyez-vous pas? Je suis un pauvre diable, une espèce de savant, de physicien, qui, pour prix de tout le mal qu'il se donne à servir ses amis, n'est payé par eux que d'ingratitude, et n'a d'autre amusement dans ce monde que celui qu'il prend à ses expériences. Mais signez donc là, au bas de l'écriture, Pierre Schlemihl. Je secouai la tête et lui dis, pardonnez-moi, monsieur, je ne signerai pas. Vous ne signerez pas? Reprit-il avec l'expression de la surprise. Et pourquoi pas? Mais, lui dis-je, il me semble que c'est une chose qui mérite au moins réflexion, racheter mon ombre au prix de mon âme. Ah, ah, reprit-il en partant d'un grand éclat de rire. Une chose qui mérite réflexion. Mais oserais-je vous demander, monsieur, ce que c'est que votre âme? L'avez-vous jamais vue? Et que comptez-vous en faire quand vous serez mort? Estimez-vous retrouver un amateur qui, de votre vivant, mette en legs de cette x algébrique, de cette force galvanique ou de polarisation, de cette entéléquie, de cette chose, quelle qu'elle soit, un prix très réel, le prix de votre ombre, auxquels sont attachés la possession de votre maîtresse et l'accomplissement de tous vos vœux? Ou voulez-vous plutôt la livrer vous-même, la pauvre Mina, aux griffes de cet infâme rascal? Venez, je veux vous le faire voir de vos propres yeux. Je vous prêterai ce bonnet de nuages. Il tirait quelque chose de sa poche, et nous irons sans qu'on nous voie faire un tour au jardin de l'inspecteur. Je l'avouerai, j'étais humilié d'entendre cet homme rire à mes dépens. Il m'était odieux, je le haïssais de tout mon cœur, et je crois que cette antipathie naturelle contribua plus que mes principes ou mes préjugés à me faire refuser la signature qu'il me demandait pour prix de mon ombre. Rien au monde n'aurait pu m'engager à faire dans sa compagnie le pèlerinage qu'il me proposait. Voir entre moi et mon ami, entre nos cœurs déchirés, ce hideux rieur aux écoutes, et endurer ses moqueries. Cette idée me révoltait, elle bouleversait tous mes sens. Je considérais les événements passés comme une destinée irrévocable et ma misère comme consommée. Je repris la parole et lui dis, monsieur, je vous ai vendu mon ombre pour cette bourse merveilleuse, et je m'en suis assez repenti. Voulez-vous revenir sur le marché, au nom de Dieu? Il secoua la tête et une hideuse grimace donna à ses traits l'expression la plus sinistre. Je poursuivis. Eh bien, je ne vous vendrai plus rien qui m'appartienne, même au prix de mon ombre, et je ne signerai pas. Vous concevrez donc, monsieur, que le déguisement auquel vous m'invitez serait beaucoup plus divertissant pour vous que pour moi. Vous recevrez mes excuses. Et les choses en étant là, séparons-nous. Je suis vraiment fâché, monsieur Schlemihl, que vous vous entêtiez satanément à refuser un marché que je vous proposais en ami. Mais je serai peut-être plus heureux une autre fois. Au revoir. À propos, il faut que je vous montre encore que je ne laisse pas dépérir les choses que j'achète, mais que j'en prends soin, que je m'en fais honneur, et qu'elles ne sauraient être mieux qu'entre mes mains. À ces mots, il tira mon ombre de sa poche, et la jetant à ses pieds du côté du soleil, en la déroulant avec dextérité, il se trouva avoir deux ombres à sa suite, car la mienne obéissait comme la sienne à tous ses mouvements. Quand, après un temps si long, je revis enfin ma malheureuse ombre, et la retrouvai dans cet odieux servage, alors que son absence venait de me jeter dans une telle détresse, je sentis mon cœur se briser et des torrents de larmes amères s'échappèrent de mes yeux. Cependant, l'odieux homme gris souriant avec orgueil à sa conquête et la promenant devant mes yeux, osa me renouveler impudemment sa proposition. « Il tient encore à vous, allons, un trait de plume, monsieur, et vous sauverez cette pauvre minade entre les griffes d'un vil scélérat pour la presser avec amour sur votre sein. Allons, compte, un trait de plume. » À ces mots, mes larmes redoublèrent, mais je détournai mon visage et lui fis signe de m'éloigner. Bendel, cependant, qui plein d'inquiétude avait suivi jusqu'ici mes traces, arriva en cet instant. Cet excellent serviteur, me trouvant en larmes et voyant mon ombre, qu'il lui était impossible de méconnaître, au pouvoir de cet étrange individu, résolut sur le champ de me faire rendre mon bien, dût-il avoir recours à la violence. Il s'adressa d'abord au possesseur et lui ordonna sans plus de discours de me restituer ce qui m'appartenait. Celui-ci, sans daigner lui répondre, tourna le dos et s'éloigna. Mais Bendel, le suivant de près et levant sur lui le gourdin d'épines qu'il portait, lui réitéra l'ordre de remettre mon ombre en liberté, et comme il n'en tenait compte, il finit par lui faire sentir la vigueur de son bras. L'homme en habit gris, comme s'il eût été accoutumé à un tel traitement, baissa la tête, courba le dos, et sans mot dire, continua paisiblement son chemin sur le pensant de la colline, m'enlevant à la fois et mon ombre et mon ami. J'entendis encore longtemps un bruit sourd résonner dans le lointain. Je restai comme auparavant seul avec ma douleur. Je donnai un libre cours à mes larmes, mais elles soulagèrent enfin mon cœur du poids insupportable qui l'oppressait. Cependant, je ne voyais aucun terme à ma misère et je me nourrissais, avec une sorte de fureur, du nouveau poison que l'inconnu venait de verser dans mes blessures. Mon âme appelait à grands cris l'image de Mina, cette image douce et chérie. Elle m'apparaissait pâle et pleurée, telle que je l'avais vue pour la dernière fois au jour de mon ignominie. Alors s'élevait effrontément entre nous le fantôme moqueur de Rascal. Je couvrais mon visage de mes mains. Je fuyais à travers les bruyères. Mais l'effroyable vision s'attachait à mes pas et me poursuivait sans relâche. Hors d'haleine, je tombai enfin sur la terre, où je me roulais avec le délire d'un insensé. Et tant de mots pour une ombre. Pour une ombre qu'un seul trait de plume m'aurait rendue. Quand je songeais à l'étrange proposition de l'inconnu et à mon refus obstiné, je ne trouvais que chaos dans mon esprit. Je n'avais plus la faculté de comparer ni de juger. Le jour s'écoula. J'apaisai ma faim avec des fruits sauvages, ma soif dans un torrent de la montagne. La nuit arriva. Je la passai au pied d'un arbre. La fraîcheur du matin me réveilla d'un sommeil pénible, épouvanté par les sons convulsifs qui s'échappaient de mon gosier, comme le râle de la mort. Bendel paraissait avoir perdu mes traces et j'aimais à me le redire. Farouche comme le cerf des montagnes, je ne voulais plus retourner parmi les hommes dont je fuyais l'aspect. Ainsi se passèrent 3 jours d'angoisse. J'étais au matin du quatrième, dans une plaine sablonneuse que le soleil inondait de ses rayons. Étendu sur quelques débris de roches, j'éprouvais un certain charme dans la sensation de la chaleur de l'astre du jour, car aujourd'hui je recherchais son aspect, dont je m'étais privé si longtemps. Je nourrissais mon cœur de son désespoir. Tout à coup un bruit léger vint frapper mon oreille, et prêt à fuir, je jetai les yeux autour de moi. Je n'aperçus personne. Cependant une ombre, qui ressemblait assez à la mienne, glissait devant moi sur le sable, et semblait, allant ainsi seule, avoir perdu celui à qui elle appartenait. Cette vue éveilla toute ma cupidité. « Ombre, m'écriai-je, si tu cherches ton maître, je veux t'en servir. » Et je m'élançai vers elle pour m'en emparer, car je pensais que si je réussissais à marcher dans ses traces, de façon à ce qu'elle vînt juste à mes pieds, elle y resterait sans doute attachée, et pourrait avec le temps finir par s'accoutumer à moi. L'ombre, à ce brusque mouvement, prit la fuite devant moi, et je la poursuivis. La chasse que je donnais à cette proie légère exigeait une vitesse et des forces que je ne pus trouver que dans l'espoir de finir en un instant tous mes maux. L'ombre fuyait vers une forêt qui n'était encore éloignée, mais dans l'épaisseur de laquelle j'allais la perdre. Je le sentais, et l'effroi qui me saisit à cette idée redoubla mon ardeur. Je gagnais visiblement du terrain. Je m'approchais d'elle. J'allais l'atteindre. Tout à coup elle s'arrête et se retourne. Comme un lion qui se précipite sur sa proie, je m'élance pour en prendre possession. Et je heurte inopinément un obstacle solide contre lequel s'abat mon essor. Alors me furent portés dans les flancs et par un bras invisible les plus terribles coups que jamais peut-être un homme ait reçus. L'effet que produisit en moi la frayeur fut de me faire embrasser convulsivement l'objet inaperçu qui se trouvait devant moi. Dans cette action subite, je tombai en avant. Et alors un homme que je tenais embrassé et qui était tombé sous moi à la renverse m'apparut soudain. Ce qui venait de se passer s'expliquait donc tout naturellement. Il fallait que cet homme eût été porteur du phonie d'oiseau dont la vertu communique l'invisibilité, sans empêcher, comme on sait, celui qui le possède de porter une ombre. Il fallait encore que ce nid lui fût échappé dans sa chute. Je jetai donc les yeux autour de moi et cherchai avidement sur l'arène éclairée l'ombre du nid invisible. Je l'aperçus, m'élançai et saisis sans le manquer le nid lui-même. J'étais invisible avec ce trésor, et l'ombre dont j'étais privé ne pouvait me trahir. Mon adversaire, s'étant aussitôt relevé, cherchait des yeux son heureux vainqueur, mais il ne découvrit sur la plaine éclairée ni lui ni son ombre, dont il paraissait surtout s'enquérir, car il n'avait pas eu sans doute, avant notre rencontre, le loisir de remarquer que je fusse sans ombre. Lorsqu'il se fut assuré que toute trace du ravisseur avait disparu, il porta ses mains sur lui-même avec le plus violent désespoir, et se mit à s'arracher des cheveux. Cependant, ma précieuse conquête, en me donnant le moyen de me replonger dans le tourbillon du monde, m'en inspirait le désir. Je ne manquais pas de prétexte pour colorer à mes propres yeux l'énormité de mon action. Mais plutôt je n'en cherchais aucun, et, pour me soustraire à tout remords, je m'éloignais sans regarder en arrière et sans prêter l'oreille à l'infortuné, dont la voix lamentable me poursuivit longtemps encore. Telles furent, telles me parurent du moins alors, toutes les circonstances de cet événement. Je brûlais du désir de me rendre au jardin de l'inspecteur et de vérifier par moi-même les rapports de l'odieux inconnu. Je ne savais où j'étais. Je gravis pour m'orienter la colline la plus prochaine, et de son sommet je découvris presque à mes pieds et la ville et le jardin. Aussitôt mon cœur battit avec force, et des larmes bien différentes de celles que jusque-là j'avais versées roulèrent dans mes yeux. J'allai donc la revoir. Je descendis par le sentier le plus direct. Un désir inquiet précipitait mes pas. Je passai sans être vu auprès de quelques paysans qui venaient de la ville. Ils s'entretenaient de moi, du père de Mina, de Rascal. Je ne voulus pas les entendre. J'accélérai ma course. J'entrai dans le jardin. Mon cœur tressaillit. Je crus d'abord entendre un éclat de rire qui me fit frissonner. Je regardai partout autour de moi, mais je ne pus découvrir personne. Je m'avançai dans le jardin. Il me semblait entendre comme les pas d'un homme qui aurait marché à mes côtés, et cependant je ne voyais rien. Je crus que mon oreille me trompait. Il était encore de bonne heure. Personne dans le jardin, personne sous le berceau du comte Pierre. Tout était encore désert. Je parcourus ces allées qui m'étaient si connues. Je m'avançai jusqu'auprès de la maison. Le bruit qui m'inquiétait me poursuivait, devenait même plus distinct. Je m'assis, respirant à peine, sur un banc placé au soleil vis-à-vis de la porte. Il me sembla que l'invisible lutin, qui s'acharnait à me poursuivre, s'asseyait à côté de moi avec un rire sardonique. J'entendis tourner la clé, la porte s'ouvrit. L'inspecteur sortit, des papiers à la main. Je sentis en même temps comme un brouillard passer sur ma tête. Je regardai autour de moi, je frémis d'horreur. L'homme en habit gris était assis à mon côté et me considérait avec un regard infernal. Il avait étendu sur moi le bonnet de nuages qui le couvrait, et mon ombre gisait paisiblement à ses pieds, à côté de la sienne. Il roulait négligemment entre ses doigts le parchemin que je connaissais, et tandis que l'inspecteur, occupé des papiers qu'il feuilletait et relisait, se promenait en long et en large à l'ombre des tilleuls, il se pencha familièrement à mon oreille et me tint ce discours. « Vous vous êtes donc enfin rendu à mon invitation, et nous voilà, comme on dit, de tête dans un bonnet. C'est à merveille. Or, rendez-moi mon nid d'oiseau, vous n'en avez plus besoin. » Et vous êtes trop honnête homme pour vouloir injustement retenir le bien d'autrui. D'ailleurs, sans remerciement, je vous proteste que c'est du meilleur de mon cœur que je vous l'ai prêté. Il le reprit de mes mains sans que je m'y opposasse, le remit dans sa poche, et me regarda en partant d'un nouvel éclat de rire qui même fut si sonore que le forestier se retourna au bruit. Je restai pétrifié. « Avouez, poursuivit-il, que ce bonnet est encore beaucoup plus commode que mon nid d'oiseau. Il couvre au moins l'homme et son ombre, et toutes les ombres qu'il lui prend fantaisie d'avoir. Voyez, j'en ai pris aujourd'hui deux à ma suite. » Il se mit à rire. « Tenez-vous pour dit, Schlemihl, que l'on en vient à faire malgré soi ce que l'on n'avait pas voulu faire de bon gré. Je suis toujours d'avis. » Et il en est encore temps que vous repreniez votre ombre et votre prétendu. Pour Rascal, nous le ferons pendre. Cela ne sera pas difficile tant qu'il y aura des cordes. Tenez, je vous donnerai mon bonnet par-dessus le marché. » La mère de Mina survint et la conversation s'établit entre elle et son mari. Que fait Mina? Elle pleure. Quelle déraison, qu'y faire? Je ne sais, mais la donner sitôt à un autre. Oh, mon ami, tu es bien cruel envers ton enfant. « Non, ma femme, tu ne vois pas juste dans cette occasion. Quand, après avoir versé quelques larmes, elle se trouvera la femme d'un homme honoré et puissamment riche, elle se consolera, et sa douleur lui paraîtra plus que comme un songe. Elle remerciera Dieu et ses parents, tu le verras. Je le souhaite. Elle possède sans doute une belle fortune, mais après le fruit qu'a fait sa malheureuse liaison avec cet aventurier, crois-tu qu'il soit facile de trouver pour elle un parti tel que M. Rascal? Sais-tu à quoi monte sa fortune? M. Rascal vient d'acheter comptant pour 6 millions de belles et bonnes terres, libres de toute hypothèque. J'en ai eu des titres entre les mains. C'était lui dans le temps qui mettait l'enchère sur toutes celles que je voulais acquérir pour Mina. Il possède en outre un portefeuille pour environ 3 millions de papiers sur la maison de Thomas John. Il faut donc qu'il ait beaucoup volé. Que dis-tu là? Il a sagement économisé, tandis que d'autres jetaient par les fenêtres. Mais un homme qui porte la livrée, sottise. Son ombre est exempte de tâches. Tu as raison, mais cependant, l'homme en habit gris me regarda encore en riant. La porte s'ouvrit. Mina parut, appuyée sur le bras d'une femme de chambre. Des larmes sillonnaient ses joues décolorées. Elle prit place dans un fauteuil qu'on lui avait préparé sous les tilleuls, et son père s'assit sur une chaise à côté d'elle. Il prit sa main, la serra tendrement et lui adressa la parole en adoucissant le son de sa voix. Les larmes de Mina coulèrent plus abondantes. Tu es ma bonne, ma chère enfant. Tu seras raisonnable. Tu ne voudras pas affliger ton vieux père qui ne souhaite que ton bonheur. Je conçois, ma chère fille, que tout ce qui vient de se passer t'a fortement affectée. Tu as échappé comme par miracle à ta ruine. Avant que nous eussions découvert l'infamie de ce misérable, tu l'aimais tendrement. Je le sais, mon enfant, et je ne t'en fais point de reproche. Je l'ai chéri moi-même, tant que je l'ai pris pour un grand seigneur, mais considère comment les choses ont changé. Quoi le dernier manant jusqu'au moindre barbet, chacun a son ombre en ce monde, et ma fille unique aurait été l'épouse d'un homme. Non, tu ne penses plus certainement à lui. Écoute, Mina, un homme qui ne craint pas le soleil, un honnête homme qui n'est pas, à la vérité, un prince, mais qui a 10 millions de biens, 10 fois autant que tu en possèdes toi-même, recherche ta main. Un homme qui rendrait ma chère fille heureuse. Ne réponds à rien. Ne me résiste pas. Sois ma fille bien-aimée, ma fille soumise, obéie. Laisse ton père veiller à tes intérêts, régler ton sort et sécher tes larmes. Promets-moi de donner ta main à monsieur Rascal. Dis, veux-tu me le promettre? Elle répondit d'une voix mourante. Je n'ai plus aucun désir sur la terre, que la volonté de mon père décide de mon sort. Aussitôt, on annonça monsieur Rascal. Il se présenta d'un air assuré. Mina perdit l'usage de ses sens. Mon diabolique compagnon, me regardant d'un air courroucé, m'adressa rapidement ces mots. Et vous pourriez soutenir cette scène? Qu'est-ce donc qui coule dans vos veines? Est-ce bien du sang? Et d'un mouvement prompt, il me fit une légère blessure à la main. Oui, dit-il, c'est du sang, du véritable sang. Signez donc. Je me trouvais le parchemin dans une main et la plume dans l'autre. Je veux, mon cher Aldebert, en appeler à ton jugement sans chercher à le séduire. Longtemps, j'eus impitoyable de moi-même, j'ai nourri le ver rongeur dans mon âme. Cet instant critique et décisif de ma vie, sans cesse présent à mes yeux, me tenait dans le doute et l'humiliation. Mon ami, celui qu'une première imprudence écarte du droit chemin, se voit bientôt égaré dans de perfides sentiers dont la pente l'entraîne. Il ne saurait déjà plus retourner en arrière. Ses regards interrogent en vain les astres du ciel. Il ne saurait plus régler sur eux sa marche. Il faut poursuivre. Le gouffre l'appelle, et bientôt il ne lui reste plus qu'à se dévouer lui-même à Némésis. Après la faute qui avait attiré sur moi le mépris des hommes, criminel par un amour irréfléchi, j'avais témérairement enveloppé dans mes tristes destinées l'existence d'un autre être. Devrais-je balancer, quand il en était encore temps, à m'élancer en aveugle pour sauver du précipice celle que j'y avais moi-même jetée? Ne me méprise point au point de croire qu'aucun prix qui fût en ma puissance m'eût paru excessif, et que j'eusse été plus avare d'aucune propriété de mon or. Non, je te le jure. Mais Aldebert, mon âme était tout absorbée dans la haine invétérée que je portais à cet homme, dont les voix courbes et mystérieuses me révoltaient. Peut-être que je lui faisais tort, mais je n'étais pas maître de moi, et toute communauté avec lui me faisait horreur. Il arriva donc encore cette fois ce qui déjà souvent m'était arrivé dans ma vie, et ce dont se compose en général l'histoire des hommes. Un événement remplit la place d'une action. je me suis depuis réconcilié avec moi-même. J'ai appris à révérer la nécessité. Et qu'est-ce qui lui appartient plus irrévocablement que l'action commise et l'événement avenu? J'ai appris à révérer cette même nécessité comme un ordre sage, qui conserve et dirige le vaste ensemble dans lequel nous entrons, comme des rouages qui reçoivent et propagent le mouvement. Il faut que ce qui doit être arrive. Ce qui devrait être arriva, et plus tard, j'ai reconnu avec vénération l'impulsion irrésistible de cette force intelligente dans mes propres destinées et dans celles des êtres chéris sur lesquels s'étendit leur influence. Je ne sais si je dois l'attribuer à la trop forte tension de tous les ressorts de mon âme, à l'épuisement des forces physiques, ou bien au désordre inexprimable qu'excitait dans tout mon être le voisinage odieux de cet individu. Quoi qu'il en soit, à l'instant de signer, je me sentis défaillir. Je tombai sans connaissance et je demeurai un temps considérable entre les bras de la mort. Quand je revins à moi, des trépignements de pieds et des imprécations furent les premiers sons qui frappèrent mon oreille. J'ouvris les yeux. Il était nuit. Mon odieux compagnon me donnait des soins tout en m'accablant d'injures. « N'est-ce pas là, disait-il, se conduire comme une vieille femme? Allons, qu'on se dépêche et qu'on fasse ce que l'on a résolu de faire. » Ou bien a-t-on changé d'avis et veut-on s'en tenir à pleurer? Je me relevai péniblement de la terre où j'étais étendu et jetai en silence mes regards autour de moi. Il faisait tout à fait nuit. Dans la maison illuminée de l'inspecteur des forêts retentissait une musique bruyante. Quelques personnes parcouraient les allées du jardin. Deux d'entre elles s'approchèrent en conversant et vinrent prendre place sur le banc où moi-même j'avais été assis. J'écoutais leurs discours, elles s'entretenaient du mariage de l'opulent M. Rascal avec la fille de l'inspecteur des forêts, mariage qui avait été célébré dans la matinée de ce même jour. Ainsi donc c'en était fait. Je retirai sans rien dire ma tête de dessous le bonnet de nuages de l'inconnu, qui disparut aussitôt à mes regards, et je me hâtai en m'enfonçant dans l'épaisseur des bosquets et en passant par le berceau du comte Pierre, de regagner la porte du jardin. Cependant attaché à moi comme un vampire, mon compagnon invisible me poursuivait et ne cessait de m'assaillir de ses discours envenimés. « Voilà donc ce que l'on gagne à soigner durant tout un jour, monsieur, qui a des attaques de nerfs. Un autre aurait dit grand merci, mais mon ami, c'est fort bien. Fuyez-moi tant que vous voudrez. » « Sauvez-vous tant que vous pourrez, nous n'en serons pas moins inséparables. Vous avez mon or, et j'ai votre ombre. Il n'est plus de repos pour l'un ni pour l'autre. Jamais ombre a-t-elle abandonné son homme? La vôtre m'entraîne, m'attache à votre suite, jusqu'à ce qu'enfin il vous plaise de la recevoir en grâce, et de m'en débarrasser. Je vous le prédis, vous ferez un jour, et trop tard, par lassitude et par ennui, ce que vous n'avez pas voulu faire de bon cœur. » On n'échappe pas à sa destinée. » Il continua à parler sur le même ton. Je fuyais en vain. Il s'obstinait avec ironie et me retraçait les attraits de l'ombre et de l'or. Je ne pouvais me recueillir ni former aucune pensée suivie. J'avais regardé ma maison en traversant quelques rues écartées et désertes. J'eus peine à la reconnaître. Les fenêtres en étaient brisées et les portes barricadées. Aucune lumière n'éclairait les appartements, aucun bruit ne s'y faisait entendre, aucun domestique ne m'attendait. Mon invisible persécuteur éclata de rire. « Ainsi va le monde, dit-il, mais vous retrouverez votre bandelle. On l'a prudemment, l'autre jour, renvoyé si fatigué qu'il aura été obligé de garder la maison, et il se remit à rire. Il aura une longue histoire à vous faire. Bonsoir donc pour aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir et bientôt. » J'avais sonné à plusieurs reprises. J'avais une lumière en mouvement. Bandel demanda qui était là. Lorsque cet excellent serviteur eut reconnu ma voix, à peine put-il contenir ses transports. La porte s'ouvrit et nous tombâmes en pleurant dans les bras l'un de l'autre. Je le trouvais très changé. Il était faible et malade. Pour moi, mes cheveux étaient devenus tout gris. Il me conduisit à travers ces vastes appartements, entièrement dévastés, à un cabinet intérieur qui avait été épargné. Il y apporta quelque nourriture, et s'étant assis près de moi, il recommença à pleurer. Il me raconta que l'homme grêle en habit gris, qu'il avait surpris avec mon ombre, l'avait entraîné à sa suite très loin et très longtemps, jusqu'à ce que, tombant de lassitude et ne pouvant plus retrouver mes traces, il fut réduit à prendre le parti de se traîner chez moi pour m'y attendre. Que bientôt la populace, soulevée et ameutée par Rascal, avait assouvi sa fureur en brisant les fenêtres et les meubles de mon hôtel. Que mes gens s'étaient dispersés, que la police m'avait banni comme suspect et m'avait assigné 24 heures pour sortir du territoire. Voilà comment ils avaient reconnu tous mes bienfaits. À ce que je savais déjà de la fortune et du mariage de Rascal, il ajouta quelques circonstances que j'ignorais encore. Ce scélérat, auteur de tous les désastres qui venaient de fondre sur moi, semblait avoir reconnu mon secret dès le principe, et ne s'être attaché à moi que par attrait pour l'or. Il s'était probablement procuré une clé de l'armoire où étaient jadis cachées mes richesses, et avait dès lors jeté les fondements d'une fortune qu'il pouvait aujourd'hui négliger d'augmenter. Ce récit, Bendel l'avait entrecoupé de bien des larmes. Lorsqu'il l'eut achevé, il en répandit de nouvelles, mais de la seule joie que lui causait mon retour, car il avait craint de ne plus me revoir et frémit des extrémités auxquelles aurait pu me porter l'adversité, qu'il me voyait aujourd'hui supporter avec calme. Tel était en effet le caractère qu'avait pris en moi le désespoir. Mon infortune se présentait à moi comme une fatale nécessité. Je n'avais plus de larmes à lui donner. Aucun gémissement, aucun cri ne pouvait plus sortir de mon sein. Je courbais avec une apparente indifférence une tête dévouée sous la main invisible qui m'opprimait. « Bendel, lui dis-je, tu connais mon sort. Je n'ai pas laissé de provoquer le châtiment qui me poursuit. Je ne veux pas t'associer plus longtemps à ma destinée. Toi dont le bon cœur et l'innocence méritent un meilleur sort, selle-moi un cheval, je vais partir. Séparons-nous, je le veux. Il doit encore rester ici quelques caisses remplies d'or. Garde-les. Pour moi, je vais seul et sans but parcourir le monde. Si jamais je revois des jours plus sereins, si le bonheur daigne encore me sourire, alors je penserai fidèlement à toi. Car dans les heures de l'adversité, j'ai plus d'une fois répandu des larmes dans ton sein. Il fallut que Bendel, effrayé de ma résolution et le cœur déchiré, obéit à ce dernier ordre de son maître. Sourd à ses représentations et à ses prières, je fus inébranlable. Il m'amena mon cheval. Je serrai encore une fois entre mes bras l'ami de mon malheur et m'éloignai, dans les ténèbres de la nuit, de ce lieu funeste, tombeau de mes espérances. Je ne faisais aucune attention à la route que suivait mon cheval, car je n'avais plus sur la terre aucun but, aucun désir. Bientôt je fus joint par un piéton, qui, après m'avoir suivi quelque temps, me demanda la permission, puisque nous suivions la même route, de placer sur la croupe de mon cheval un manteau qui l'incommodait. Je le laissai faire sans lui répondre. Il me remercia de ce léger service avec aisance et politesse, loua cependant la beauté de ma monture, en prit occasion de célébrer le bonheur et la puissance des riches, et enfin s'engagea, je ne sais trop comment, dans une sorte de dialogue avec lui-même, pendant lequel je jouais le rôle passif d'auditeur. Il développa ses idées sur le monde et aborda bientôt la métaphysique, dont le problème est de nous révéler le mot de la grande énigme, ou de nous donner la clé de toutes celles qui bornent notre pensée. Il posa la question avec beaucoup de clarté et se mit aussitôt à y répondre. « Tu sais, mon ami, après avoir écouté tous nos philosophes, j'ai clairement reconnu que je n'étais aucunement appelé à me mêler de leurs spéculations, et que, dans le sentiment de mon insuffisance, je me suis irrévocablement retiré de l'arène. J'ai depuis laissé dormir bien des questions que je me suis résigné à ignorer, à ne pas faire ou à laisser sans réponse, et me confiant en la droiture de mon sens, j'ai, comme tu me le conseillais, toi-même, suivi autant que je l'ai pu la voix qui s'élevait en moi pour me conduire, et n'ai voulu qu'elle pour guide sur la route que je me suis frayée. Cependant, ce rhéteur, dont j'admirais le talent, me semblait élever un édifice fondé en apparence sur sa propre nécessité. Mais je n'y trouvais pas ce que précisément j'y aurais voulu, et dès lors ce n'était plus pour moi qu'une de ces constructions élégantes qui ne servent qu'à recréer la vue par la symétrie de leur forme. Mais je prenais plaisir à l'éloquence du sophiste qui, maîtrisant mon attention, m'avait distrait de mes propres mots, et je ne lui aurais pas résisté s'il avait su ébranler mon âme comme il savait dominer mon esprit. Les heures cependant s'étaient écoulées, et le crépuscule avait insensiblement succédé à la nuit. Un secret effroi me fit tressaillir lorsque, levant les yeux, je vis l'Orient briller des couleurs qui annoncent le retour du soleil, et à l'heure où les ombres que projettent les corps opaques jouissent de leur plus grande dimension, je ne découvrais contre lui, dans la contrée ouverte que je parcourais, aucun abri, aucun rempart. Et je n'étais pas seul. Alors pour la première fois, je jetai un coup d'œil sur mon compagnon de voyage. Je frémis de nouveau. Ce rhéteur n'était autre que l'homme en habit gris. Il sourit de ma consternation et poursuivit ainsi son discours sans me laisser le temps de prendre la parole. Souffrez qu'une fois, comme c'est l'usage dans le monde, notre intérêt commun nous réunisse, nous aurons toujours le temps de nous séparer. Je vous avertis que cette route qui traverse les montagnes est la seule que vous puissiez tenir. Vous n'oseriez descendre dans la plaine, et vous ne voudriez pas sans doute repasser les montagnes pour retourner au lieu d'où vous êtes venu. Ce chemin est aussi le mien. Je vous vois pâlir à l'approche du soleil. Je veux bien vous prêter votre ombre pour le temps que durera notre société, et pour cette complaisance, vous me suffirez près de vous. Aussi bien, n'avez-vous plus votre bandelle, vous serez content de mon service. Vous ne m'aimez pas. J'en suis fâché. Cela vous empêche-t-il de vous servir de moi? Le diable n'est pas si noir qu'on le peint. Vous m'avez impatienté hier, cela est vrai, mais je ne vous en tiens pas rancune aujourd'hui. Et vous m'avouerez que je vous ai déjà abrégé le chemin jusqu'ici. Allons, faites encore une fois l'essai de votre ombre. Déjà le soleil paraissait à l'horizon, et je voyais du monde s'avancer vers nous sur la route. J'acceptai la proposition, quoiqu'avec une extrême répugnance. Et l'homme gris, en souriant, laissa glisser à terre mon ombre qui alla aussitôt prendre place sur celle de mon cheval et se mit à trotter gaiement à mon côté. Je ne saurais exprimer l'étrange émotion que je ressentis à cette vue. Je passai devant une troupe de paysans qui se rangèrent pour faire place à un homme riche et ôtèrent respectueusement leur chapeau. Le cœur me battait avec force. Et du haut de mon cheval, je regardais de côté, et d'un œil de convoitise, cette ombre qui autrefois m'avait appartenu, et que maintenant je ne tenais qu'à titre de prêt d'un étranger, d'un être que j'abhorrais.